Aujourd'hui, ce n'est pas tellement une étude, dans le livre de Un roi, on va voir un épisode de la vie du prophète Élie et les enseignements que nous pouvons en tirer. Ah, ça fait bizarre s'entendre comme ça. Donc, qu'est-ce qu'une Bible? Quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut me lire Un roi, chapitre 18? Du verset 16 au verset 40. Oui, ça fait un bon bout, mais faut lire l'histoire pour bien comprendre. Un volontaire? Un roi, chapitre 18, à partir du verset 16 au verset 40. Obadiah alla donc retrouver Achab et lui fit son rapport. Achab vint à la rencontre de lui. Et dès qu'il le vit, il lui dit: te voilà, toi qui amènes le malheur sur le peuple d'Israël. Et lui répondit: ce n'est pas moi qui ai amené le malheur sur Israël, c'est toi et ta famille, parce que vous avez refusé d'obéir au commandement du Seigneur et que vous avez adoré les dieux de Baal. Maintenant, envoie des messagers et rassemble tout le peuple d'Israël autour de moi sur le mont Carmel avec les 450 prophètes de Dieu Baal et les 400 prophètes de la déesse Ashéra, qui sont les protégés de la reine Jézabel. Achab fit convoquer toutes les tribus d'Israël, de même que les prophètes sur le mont Carmel. Quand ils furent rassemblés, et lui s'avança devant tout le peuple et dit: quand cesserez-vous de pencher tantôt d'un côté, tantôt de l'autre? Ou bien c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu, et alors rendez un culte au Seigneur, ou bien c'est Baal qui est le vrai Dieu, et alors rendez un culte à Baal. Mais personne dans le peuple ne répondit. Et lui reprit: moi, je reste seul comme prophète du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont au nombre de 450. Qu'on nous donne deux taureaux. Les prophètes de Baal en choisiront un, qu'ils nous couperont et placeront sur le roi pour le dans sa sacrifice, mais sans allumer le feu. Je préparerai l'autre et je le placerai sur le bois, mais je n'allumerai pas de feu, pas non plus le feu. Ils prieront leur Dieu et moi je prierai le Seigneur. Le vrai Dieu sera celui qui répondra aux prières en allumant le feu. Tout le peuple répondit: nous sommes d'accord. Alors, Élie dit aux prophètes de Baal: choisissez l'un des taureaux et préparez-le, vous les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, priez votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Ils prirent le taureau quand on leur présenta. Ils préparèrent le sacrifice, puis ils supplièrent Baal depuis le matin jusqu'au midi. Baal répondit, disait-il, et ils dansaient autour de l'autel qu'ils avaient construit. Mais ils ne reçurent pas un mot de réponse. Vers midi, il se mit à se moquer d'eux en disant: qui est plus fort? Puisqu'il est un dieu, il est très occupé, ou bien il a un oublié de l'argent. Ou encore, il est en voyage, peut-être qu'il dort, il faut le réveiller. Ils prièrent plus fort selon leur coutume. Ils se blessèrent volontairement avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coule sur leur corps. Comme midi fut passé, ils appelèrent Baal avec encore plus d'excitation jusqu'à l'heure où l'on offre le sacrifice de l'après-midi. Mais ils ne reçurent aucune réponse, ni un mot, ni un signe. Alors Élie invita tout le peuple à s'approcher de lui. Quand ils se furent approchés, il se mit à préparer l'autel du Seigneur qui était sans prix. Il prit 12 pierres, nombre correspondant aux 12 tribus des descendants de Jacob. C'est à ce Jacob que le Seigneur avait déclaré: tu t'appelleras désormais Israël. Avec ces pierres, il reconstruisit donc l'autel consacré au Seigneur. Il creusa tout autour de l'autel un fossé pour contenir une trentaine de livres. Il arrangea des bûches de bois sur l'autel, puis découpa le taureau et chassa les morceaux sur le bois. Il ordonna ensuite à ceux qui étaient là d'emplisser quatre cruches d'eau et verser-les sur le sacrifice et sur le bois. Ils le firent. Élie reprit: faites-le une deuxième fois. Ils le firent. Faites-le une troisième fois, ajouta-t-il. Et ils le firent. L'eau coula tout autour de l'autel et remplit même le fossé. À l'heure où l'on présente à Dieu le sacrifice de l'après-midi, le prophète Élie s'approcha de l'autel et dit: Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que c'est sur toi que c'est sur ton ordre que j'ai fait tout cela. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi afin que les gens sachent que c'est toi, Seigneur, qui es le vrai Dieu, et tu les ramèneras ainsi à leur fidélité d'autrefois. Le Seigneur fit alors descendre du feu qui brûla le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière, et qui fit évaporer l'eau du fossé. Lorsque les Israélites virent cela, ils s'inclinèrent tous jusqu'à terre, puis ils se mirent à crier, « C'est le Seigneur qui est le vrai Dieu, c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu. » Et il leur dit, « Saisissez les prophètes de Baal, il ne faut pas qu'un seul d'entre eux s'échappe. » Ils saisirent tous, et ils descendent jusqu'au bord du torrent de Kishon, et là, des égouts. Allez, sanglant, hein. Je continue au verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Ça faisait 3 ans qu'il n'y a pas plu. Hein. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et le regarda. Et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Il est comme la paume de l'homme de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par des nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, et il se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Je continue. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert et après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se couchait et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, but et se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, on termine. Et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. » Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Azraël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azraël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dans la bouche ne l'a point baisé. C'est bon, vous êtes endormi? Non? Pas encore? Bon. Donc, on me remet le cadre. C'est l'histoire d'Élie, on connaît tous le prophète Élie. Et ça, c'est l'un des épisodes majeurs dans sa vie, quand il a confronté le prophète de Baal sur le mont Carmel. Donc, comme à mon habitude, on va commencer par une mise en contexte. Et après ça, je parlerai d'Élie sur le mont Carmel, de ce qui s'est passé sur le mont Carmel, ensuite de la fuite d'Élie et au mont Horeb, et ensuite une conclusion. Donc on n'aura pas pour très longtemps, je vais essayer de faire très vite. Le contexte. Alors, l'histoire d'Élie se déroule à une époque assez troublée. C'est marrant parce que vous m'entendez toujours? Il y a une époque où Israël a un roi, Akab, qui est l'un des pires rois de l'histoire. C'est simple, quand on regarde l'Ancien Testament, il y a deux rois en Israël qui ont été aimés affreux, il y a Akab et Jéroboam. C'est tellement qu'à chaque fois on dit qu'il a commis le péché de Jéroboam, où il était aussi mauvais qu'Akab. Ces deux-là ont été une référence absolue en matière d'impiété en Israël. Le deuxième aspect, par rapport à Jéroboam, Akab avait un plus, il avait une femme, très belle, très très belle, très intelligente. mais particulièrement mauvaise, cette dame-là. Elle s'appelait Jézabel. Et le terme Jézabel même est resté dans l'histoire, il est resté dans la Bible, même dans l'Apocalypse, on parle de Jézabel comme d'un esprit assez vindicatif, un esprit dominateur. Troisième aspect du contexte, il y a le peuple. Donc, il y a le roi Akab, il y a sa femme Jézabel, et il y a le peuple. Le peuple qui, non seulement est dans l'idolâtrie, mais dans la confusion la plus totale. Parce qu'on pourrait... Il faut bien comprendre que c'était une époque où le peuple ne savait plus trop bien qui était Dieu. Est-ce que c'est les Baals? Est-ce que c'est Baal qui est Dieu? Est-ce que c'est l'Éternel qui est Dieu? Pour nous, aujourd'hui, c'est simple. On dit, ben, le Dieu d'Israël, c'est clair, c'est simple et net. Mais il faut savoir qu'à leur époque, le polythéisme n'était plus un crime absolu. Le polythéisme n'était plus un sacrilège, comme cela est aujourd'hui, ou comme c'était au début de leur histoire. Mais là, on y reviendra. Et le dernier contexte, c'est les prêtres. Il faut savoir que quand Élie se présente devant le peuple, il y a une trollée de prêtres, souverains sacrificateurs, qui sont fait égorger. Il y a juste une petite partie qui a pu en échapper. Donc, la prêtrise a totalement été décimée. Et d'ailleurs, Élie le dit lui-même, il dit « Je suis resté moi seul » et il cherche à m'ôter la vie. Donc, voilà un peu le contexte. Élie, à cette époque-là, est l'un des seuls qui publiquement s'élève contre Jézabel, contre le roi, contre l'idolâtrie ambiante. Pour bien comprendre cette histoire, il faut bien comprendre en fait de quoi ça parle. Quand on parle de Baal et d'Astarté. Baal et Astarté étaient des divinités, des Phéniciens, donc des peuples qui vivaient sur la côte, dans le bassin méditerranéen. Et ces dieux-là ont été importés en Israël avec tous les sacrifices que ça implique, avec toutes leurs pratiques. Par exemple, Astarté, la déesse de la fécondité, avait des prêtresses, et ces prêtresses se livraient à la prostitution sacrée, qui était simplement de la prostitution. Mais bon, mais c'est sacré parce que, bon, hein, je sais pas, mais donc sous un arbre, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que le dieu Baal était le dieu de l'orage, il était le dieu de la foudre, il était le dieu du feu, le dieu de la pluie, le dieu des saisons, le dieu des cultures, des moissons. Et ce qui est intéressant, c'est que le défi d'Élie, il est un peu ironique quelque part. Parce qu'il dit, on va provoquer Baal sur son terrain, sur le terrain où il a le point le plus fort. Pour en revenir à Baal, il faut savoir que la Bible parle souvent pas de un Baal, mais des Baals au pluriel. Le mot Baal est un mot sémite, d'origine sémite, qui signifie maître, en fait. Ça signifie maître. Ça ne signifie pas le dieu Baal 2, c'est maître. Ce qui fait que plein de divinités ont rajouté un attribut à la divinité pour définir tel ou tel Baal. Baal Zebout, Baal Intel, Baal, le dieu 2. Donc les Baals, c'était l'ensemble des divinités qu'adorent les Phéniciens et que le peuple a pris en idolâtrie. Mais ce Baal dont il est question ici était le dieu de l'orage. Ce qui est intéressant, c'est que le mot Baal n'a pas toujours une connotation négative, en Israël. Je vais vous lire un verset dans 2 Samuel. Ce verset parle de Saül, de son fils et de son petit-fils. Donc, cependant, je vous lis 2 Samuel 2. Cependant, Abner, fils de Ner et chef de l'armée de Saül, avait pris Ish-Boshet, le fils de Saül, et l'avait fait passer à Manaïm. Il l'avait proclamé roi sur Galad. C'est à l'époque de David, quand David a été roi. D'un autre côté, ils ont choisi leur propre roi. Ils ont pris Ish-Boshet, qui était le fils de Saül. Et ils ont un roi. Quelques versets plus loin, on parle du fils de Jonathan. Vous connaissez Jonathan, je crois. Jonathan, qui était le fils de Saül, donc son fils à lui. Jonathan, le fils de Saül, avait un fils handicapé aux deux jambes. Il était âgé de 5 ans. Quand arriva de Jisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle se dépêchait pour fuir, il tomba et resta estropié. Son nom était Mephibosheth. Donc, je résume. Saül avait un fils qui s'appelait Ish-Boshet. Il avait un autre fils qui s'appelait Jonathan, le meilleur ami de David. Jonathan a un fils qui s'appelait Mephibosheth. Et là, vous vous demandez, mais où est-ce qu'il va en venir? C'est simple. Le terme Boshet en hébreu signifie honte. Ok? Ça signifie honte. Ish-Boshet, Ish c'est homme, l'homme. Donc Ish-Boshet, le fils de l'homme de la honte, ou je ne sais pas s'il y a une autre traduction plus correcte. Lui, c'était Mephibosheth, et son neveu s'appelait Mephibosheth. Ce qui est intéressant, C'est que quand on lit le livre des Chroniques, c'est deux, non? On a un de Samuel, le roi, et Chronique. Quand on lit le livre des Chroniques, qui donne la chronique des rois, leur nom, leur généalogie, on parle de ces deux-là. Mais bizarrement, ils n'ont pas le même nom. Quand on regarde en Chronique, bon, un chronique chapitre 9, pour ceux qui s'intéressent, mais je sais que vous ne regarderez pas. Ner, donc le père de Ner, eut pour fils Kis. Kis eut pour fils Saül. Jusque-là, on est en terrain connu. Saül eut Jonathan. Donc Saül a eu Jonathan, Malkishua, Abinadab et Esh-Bahal. C'est marrant, hein? Il ne s'appelle plus Ish-Boshet, il s'appelle Esh-Bahal. Fils de, et ensuite on descend encore. Fils de Jonathan, Meri-Bahal. C'est plus Meri-Boshet, c'est Meri-Bahal. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence dans leur nom? Pourquoi est-ce que dans un Samuel on les appelle Mephibosheth et dans l'autre on les appelle Meri-Bahal? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Ça, parce que ça a tout son sens. Le livre des Chroniques donne en fait la généalogie, la chronique des rois. Quand ils sont nés, lui on l'appelait Ish-Bahal. Quand l'autre est né, on l'appelait Meri-Bahal. Bahal signifiait le Seigneur. Il n'y avait pas de confusion. Eux, quand ils disaient Seigneur, ils parlaient certainement du Dieu d'Israël, quand on leur a donné ce nom-là. Mais par la suite de l'histoire, le peuple a commencé avec l'évolution, avec le... Je pense que les livres n'ont pas été écrits dans le même temps. Et ensuite, à l'évolution, on s'est rendu compte que finalement, Bahal, là, on commence à en avoir... Et ça, on a tourné le mot en dérision. Donc, dans certains noms, au lieu de dire Ish-Bahal, maintenant c'était Ish-Boshet. La honte, ou l'abomination. On a complètement changé le... Ce qui fait que, il faut bien comprendre que dans la tête du commun du peuple, il y avait une totale... C'était interchangeable. Il y avait comme certains noms, comme Yerubaal, qui dit, il y a Dieu et Baal, Dieu et Seigneur. Et pour certains juifs, après ça, c'était ce nom-là, c'était un blasphème. C'était un blasphème. Donc, tous ces noms-là ont finalement été changés au lieu de Baal, Bochette ou voilà, ou certainement comme ça. Ça explique pourquoi est-ce que pour le peuple, quand Élie vient leur dire, écoutez, choisissez là, ou c'est Baal, ou c'est l'Éternel, mais choisissez pas les deux, le peuple ne répond rien, parce qu'ils sont franchement mêlés. Il y a plus de... Machin. Donc ça, c'est le contexte, ça, c'est le peuple. Akab et Jézabel. Ah, ces deux-là, c'est un beau couple. C'est un beau couple. Ce qui est intéressant, c'est contemporainement, on a quand même pas mal d'éléments de comparaison avec cette époque-là. Donc, comme on l'a dit, Akab était l'un des pires rois d'Israël. Et il avait une femme qui était un fils-fille, qui était une princesse, qui était une princesse d'un autre royaume, de Sidon, une princesse idolâtre. Et elle, quand elle est venue, elle avait comme la main mise sur son mari. En fait, on peut dire en clair que c'est elle qui dirigeait le pays. Lui était au pouvoir, mais celle qui tenait les rênes, c'était Jézabel. Et il ne fallait pas lui déplaire. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà une fois lu ce nom dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, Jézabel? Où il est dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, entraîner mes serviteurs. Dans la culture chrétienne, le mot Jézabel est devenu à connotation de femme dominatrice. Limite un peu influencée par le diable, un peu diabolique. Et dans beaucoup d'églises chrétiennes, même de nos jours, ça je vous le garantis, on n'hésite pas des fois à traiter certaines femmes. Hein, celle-là, elle a l'esprit de Jézabel parce qu'elle ne se laisse pas faire. C'est une femme à poigne. C'est sûr, c'est l'esprit de Jézabel. Il y a une certaine misogynie quand même. Il faut voir. C'est un peu. Mais ce que je pense, ça c'est mon point de vue personnel, c'est mon point de vue, c'est que le principe de base de l'esprit de Jézabel n'est pas d'être féminin. Ça n'a rien à voir avec le féminin ou masculin. C'est un esprit qui existe, la Bible en parle, on peut le voir, mais l'esprit de Jézabel n'est pas un esprit foncièrement féminin. Son principe premier n'est pas d'être féminin, mais d'usurper l'autorité et de recevoir l'adoration, de recevoir les honneurs à la place de celui qui doit les recevoir. Pour qu'il y ait une Jézabel, il faut qu'il y ait un Akab. Il faut qu'il y ait une autorité qui est là et qui ne l'exerce pas. Aujourd'hui, de nos jours, on peut voir ça dans la société. La classe politique et la classe d'affaires. Ceux qui tiennent l'économie et ceux qui ont le pouvoir. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, et ça, c'est totalement dans quelle que soit la culture, ceux qui ont le pouvoir, souvent ne l'exercent pas. Ils l'exercent souvent au profit de ceux qui ont l'argent. Ceux qui dirigent le pays, ce n'est pas ceux qui ont le pouvoir ni l'autorité, c'est ceux qui ont l'argent qu'ils dirigent, en fait. Donc, ça, si on regarde bien ça, ça n'a rien de féminin, simplement. C'est un esprit, c'est une manière d'être où l'honneur, l'obéissance, le pouvoir est exercé par un usurpateur qui se cache derrière les gens de pouvoir pour le faire. Les lois ici, en Occident, les lois souvent ne sont pas votées par les hommes politiques. Eux, ils décident des lois, ils déposent un amendement, mais en sous-bas, derrière, souvent, c'est des conglomérats, c'est des groupes de pression, c'est des lobbies, c'est des gens qui ont des intérêts et qui font souvent voter beaucoup de lois. Ça va jusque-là, vous me suivez? Donc voilà un peu le contexte. C'est juste pour retracer le parallèle entre... Oui, mais cette histoire d'Élie, là, qu'est-ce que nous, on a à faire aujourd'hui? En quoi ça nous concerne? On est aujourd'hui en plein dedans. Où on a une totale confusion entre qu'est-ce que c'est que l'autorité? Qu'est-ce que c'est que Dieu? Qu'est-ce que c'est que sa parole? Qu'est-ce que c'est que... Il y a un peu énormément de courants de pensée. Élie a fini de dégorger les prophètes. Au passage, ça a été une belle boucherie quand même, parce qu'il y a peut-être 600, 700 prophètes qui ont été... bon, bref. Et là, Jézabel dit, parce que ces prophètes étaient les protégés de Jézabel, vous l'avez entendu, elle dit, mais ce que tu lui as fait, comme tu les as gorgés, moi aussi, dès que je t'attrape, je t'égorge. Et Élie, il entend ça et il fuit. La plupart du temps, quand on lit les textes, quand on lit les commentaires sur cette partie de la vie d'Élie, on a coutume de dire que oui, mais Élie a fui parce qu'il avait peur de Jézabel. Ou Élie a fui parce que Jézabel le menaçait. Personnellement, c'est possible. Mais je ne pense pas que ce soit la raison principale. Je ne pense pas que ce soit la raison principale. Je pense que Élie a surtout été déçu par la réaction du peuple. Et Élie s'attendait à ce que quelque chose change là. Il arrive, le feu descend du ciel, consume l'offrande, son offrande et pas l'offrande des autres prophètes. Le peuple se prosterne et disent que l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Élie s'attendait à ce qu'il y ait un réveil, qui est quand même quelque chose. Et là, ils ont vu les miracles, ils ont vu la pluie qui est arrivée. 3 ans, pas de pluie, pas une seule goutte, et la pluie qui est tombée, il y a le feu qui est descendu du ciel. Malgré tout ça, ils sont tous au courant que Jézabel a menacé sa vie. Et personne n'a levé le moindre petit doigt. Parce que juste une parenthèse. Élie n'était pas au palais, on s'entend. Élie n'habitait pas au palais royal. Donc si Jézabel a menacé Élie et que Élie l'a entendu, c'est que quelqu'un l'a rapporté, forcément. Si quelqu'un l'a rapporté, je ne pense pas qu'il l'ait gardé pour lui et qu'il n'ait pas répandu la nouvelle tout autour de lui. D'ailleurs, Jézabel avait dû donner aussi des consignes aux gens de l'armée pour l'attraper. Et n'oubliez pas que dans l'armée, il y avait aussi des sympathisants d'Élie. Abdias, dont on parle au début, était un sympathisant. Donc certainement, il a dû faire passer le message. Donc les gens étaient au courant que Jézabel cherchait à tuer Élie. Mais malgré ça, le peuple, oui, ils étaient tout contents d'égorger les prophètes, là, zuc, zuc, zuc, zuc, mais personne n'a levé le moindre petit doigt. Et il n'y a eu même pas un début de révolution. Donc ça, je pense qu'à un moment, il en avait marre. Je pense que ça a été la goutte d'eau. Et il est parti. Donc il n'avait plus le désir de se battre pour eux, d'être prophète. Élie s'en va. Et là, Élie tombe dans une profonde dépression. Parce que là, on lit l'histoire, c'est tout court. Hein. Mais ce qu'il faut oublier, c'est qu'il a fait un chemin depuis Samarie. Il a fait le chemin jusqu'en Juda pour laisser son serviteur. Et de là-bas, il a marché 40 jours quand on est dans le désert. C'est long. Ça laisse le temps de réfléchir. À un moment donné, Élie, je pense qu'il en avait vraiment, mais ras la casquette. Et il avait le choix. Arrivant en Judée, qu'est-ce qu'il fait? Il a laissé son serviteur là-bas. Il avait le choix. Soit il change de pays, il s'exile. Et là, c'était hors de question. C'était un Israélite, un prophète. Et c'était ça, sa raison d'être. Il ne pouvait pas s'exiler. C'était pas une option. Ben, dans ce cas, il pouvait retourner en Israël. Et retourner en Israël, il y avait Jézabel qui l'attendait là-bas. Quelle option il avait? Il n'avait plus envie d'être prophète, parce que là, vraiment, il en avait mais ras-le-bol. Parce que ces gens qu'il avait défendus, finalement, ça n'a servi à rien du tout. Ça n'était que superficiel. Ils ont dit, oui, l'Éternel est Dieu, mais derrière, ça n'a donné lieu à rien du tout. Il en avait vraiment ras-le-bol. Et Élie, à un moment, il a abandonné. Il a laissé tomber. Il a jeté l'éponge. Quand il dit, je ne suis pas mieux que mes pères, Parce que ses pères, en fait, n'avaient pas levé le moindre petit doigt. Tous ceux qui étaient venus avec lui, les anciens d'Israël, avaient été tous rentrés dans l'idolâtrie. Il dit, je ne suis pas mieux qu'eux. Pourquoi? Parce que comme eux, j'abandonne le Dieu d'Israël. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas mieux qu'eux. Il jette l'éponge, il en a marre. Ils savent pas ce qu'ils veulent. C'est les dégonfler. J'ai pris tout mon temps, j'ai pris mes forces, j'ai pris mon énergie, j'ai pris mes biens. Tout j'ai mis dans cette œuvre-là. Et ces bandes de... Bon, j'allais prononcer un mot qui est qui est pas bon du tout, mais... Oh, c'était un mot pire que ça, mais disons oui, on va dire ça. C'est plutôt un mot anatomique. Mais oui, c'est un mot de l'anatomie humaine, mais cette bande de... Et voilà, ne sont même pas capables de décider qui vont suivre. Et là, en plus, on leur a donné la preuve palpable. Et malgré ça, ils sont là. Ils disent non, ils disent c'est bon. Eh, hey, qu'ils aillent mourir. Moi, c'est bon. Et voilà, Élie qui se retrouve dans le désert. Il dit, vous vous débrouillez maintenant. Et là, ils sont dans le désert, il est dans une impasse. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? T'es prophète, t'as plein de prophétiser. T'es israélien, tu veux plus, t'es israélite, tu veux plus retourner en Israël. Qu'est-ce que tu fais? Il s'est assis là, et puis il a demandé la mort. Il est rentré dans une profonde dépression. Et là, c'est là où c'est intéressant. On a connu ça, un épisode dépressif plus ou moins fort. D'autres, c'est juste léger, une petite déprime. D'autres, c'est une dépression plus forte. Mais tôt ou tard, dans notre vie, on passe par des moments comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans une situation comme ça, dans une telle dépression, ce qui est marrant, c'est que ça réfléchit, ça galope dans la tête. Ça tourne les pensées. On réfléchit, on prend les choses, on essaie de regarder. Et quelle que soit la solution ou quel que soit le chemin qu'on voit, il n'y a aucune issue. Élie n'avait aucune issue. Dans sa tête, il n'avait aucune issue. Quelles que soient les solutions qu'il voyait, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait plus rien à faire. Là, du coup, il se couche. Tout ce qu'il pouvait attendre, c'est la mort. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, quand on rencontre quelqu'un qui est déprimé ou qui est dépressif, on a toujours l'envie et le besoin de l'encourager, de dire. Et dans l'encouragement, on va soit utiliser des éléments du passé, regarde, tu sais, avant, il y avait ce qui se passait, tu as eu ça, alors, ou des éléments du futur. Mais sauf que quelqu'un qui est dans cet état d'esprit, dans sa tête, il ne fait que boucler sur le présent. Ça boucle. On ne peut pas en sortir. Et il reste dans cet état dépressif. Et à ce moment-là, l'ange de l'Éternel vient. À un moment, Élie s'endort. L'ange de l'Éternel arrive. Et il le réveille, il le fait manger. Élie mange, il boit, et il se recouche. Et l'ange le réveille encore. Bon, on ne sait pas s'il a réveillé tout de suite ou il y a un petit instant. Mais dans beaucoup d'assemblées, moi j'ai connu ça, où on vous dit, quand ça ne va pas, continue à travailler. Travaille pour Dieu et tu verras. Non. Il est fatigué là. Je suis à bout. Je suis à bout. Il me faut du repos. Hey, se reposer, c'est pas un péché. S'arrêter, manger, dormir, c'est pas un péché. Cavaler, galoper, tout le temps galoper, ça ne mène que... Même Élie, à un moment donné, on l'a laissé se reposer quand même. On lui a donné à manger. Et là, c'est un des autres miracles que qu'Élie a fait, parce qu'il a plus subi le miracle. Avec ce qu'il a mangé, il a pu marcher 40 jours, 40 nuits en Horeb. Ce qui est intéressant en plus ici, c'est que Dieu n'a pas cherché à encourager Élie. Vous voyez? L'ange dit juste, mange, bois. Il mange, il boit, il dort. On le réveille encore, mange, bois. Dieu n'a pas argumenté. L'ange n'a pas argumenté avec Élie pour l'encourager, pour le motiver. Repars encore, vas-y, c'est que le deuxième round. Non. Une fois qu'il a fini de manger, allez, il s'est mis à marcher et il est allé jusqu'à Horeb, jusqu'à la montagne où Moïse avait rencontré Dieu. Bon, 40 jours et 40 nuits. Ça devait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans ce pain-là, mais bon, ça c'est un autre miracle quand même, hein. 40 jours et 40 nuits. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Élie arrive à Horeb. Et là, Élie se dit, bon, premièrement, pourquoi est-ce qu'il est parti à Horeb? La Bible ne le dit pas, et je ne le sais pas du tout. Il a fini de manger, et lui, il s'est levé, il s'est dit, bon, paf, Horeb. Bon, je ne sais pas, on ne sait pas pourquoi. Bref, il est parti à Horeb pour rencontrer Dieu. Et là, Élie, il en avait... Comment on dit gros sur le cœur. Hein? Ouais, non, mais il en avait gros sur le cœur là. Là, il était allé pour. Hey, c'est toi qui m'as mis là-dedans là. Alors, voilà, c'est ça, exactement. Ben, c'est une bonne expression. C'est ça. Hein? Il avait? C'est ça. C'est ça. Et là, il s'apprêtait à dire, bon, là, je vais entendre ce que tu vas me dire. Parce que là, j'en ai aimé plus que là. Parce que cette bande de... vers qui tu m'as envoyé, là, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, le feu est descendu et tout. Et voilà, ces gens-là, non seulement contents d'avoir tué tous les prophètes, ils veulent me tuer en plus. Et en plus, dans tout ce pays-là, je suis tout seul. Personne n'est là, personne n'ouvre la bouche pour défendre la vraie foi. Il dit, non, là tu vas m'entendre, là. Et là, il arrive à la montagne. Et Dieu lui demande, que fais-tu là, Élie? C'est pour dire, mais je ne t'ai pas dit de venir jusqu'ici. Qui t'a dit de venir jusque-là? Qu'est-ce qui t'a pris de venir jusque-là? Je t'ai établi là-bas, tes prophètes en Israël. Qu'est-ce que tu fais là? Dieu lui avait dit une fois, dans l'histoire d'Élie, Dieu lui avait dit une fois de fuir. Quand on a cherché à le tuer, on a dit, va, on lui avait dit de fuir, il avait fui. Mais là, on ne lui avait rien dit, mais il a fui quand même pareil. C'était, bon. Et là, Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et là, Élie, ça fait 40 jours, hein, il a eu le temps quand même de pencher son speech dans la tête. Hein. Ça tournait là pendant que tu... Moi, j'aime beaucoup marcher souvent. Quand je suis au travail, je travaille dans le quartier chinois, à côté du quartier chinois. Et trois fois par jour, je rentre à pied chez moi. Je rentre à pied. Donc, 1h40 de marche, ça me laisse le temps de... Non, ça laisse le temps de réfléchir. Mais c'est juste 1h40. 40 jours et 40 nuits que le bonhomme a marché. Et là, son speech, là, dans la tête, son discours, il l'avait prêt. Vraiment prêt. Et là, paf, il part. Oui, je suis resté tout seul, machin, en Israël, les gens cherchent à me tuer, etc., etc., ils déblatèrent. Bon, il avait raison aussi de déprimer quelque part. Moi, je mets à sa place. Hein. Moi, j'aurais été lui, peut-être que j'aurais encore allé encore plus loin. Et là, ce qui est étrange, c'est que Dieu lui dit, sors. Sors de là et puis, sors, on va discuter. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué ce petit détail-là, Élie ne sort pas. C'est après que le vent soit passé, après que le feu soit passé, après que le souffle, machin. C'est au moins il entend le souffle que Élie sort. Mais quand Dieu lui dit sors, il ne sort pas. Je ne sais pas si vous relisez le texte. Dieu lui dit sors. Et après, tout de suite, après, on dit ben, il y a eu un souffle. Un souffle qui déchirait les montagnes, un tremblement de terre, un feu. Et après, le vent, le murmure, et là, Élie est sorti. C'est quand même marrant. Soit il était totalement tellement déprimé que là, il en. C'est comme souvent. Un parent qui dit à son enfant, écoute, hein, on a ta chambre. Tu sais? L'enfant, il en a tellement que. Voilà, il n'a même pas envie d'obéir. Non, mais c'est sérieux. C'était vraiment une crise majeure. La première fois que j'ai lu ce passage, cette histoire-là, je me suis dit, qu'est-ce que Dieu va lui dire pour l'encourager? Ça, j'ai lu l'histoire, que c'est un peu comme un roman. Je me dis, mais qu'est-ce que Dieu va lui dire pour l'encourager? Et là, tornade, enfin, il y a le vent, il y a toutes ces manifestations-là. Pour nous, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette histoire-là, ces manifestations étaient pour Élie. Ça avait du sens pour Élie. Élie pensait dans sa tête qu'une fois que le feu serait descendu, ça allait tout changer. Ça allait tout bouleverser. Il y aurait un tremblement de terre majeur en Israël. Les gens allaient tomber sur leur marché. Partout, on allait traîner les prophètes qui étaient restés, les prophètes de Baal et d'Astarté et les prostituées sacrées, les traîner dans la rue, toutes les zigouiller, et peut-être au passage s'occuper de Jézabel, mais bon, ça, je m'avance. Mais Élie, pour lui, c'était ça. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui répond par le feu. Et lui, il allait descendre et faire tout, faire le marché. Et quand il voit le tremblement de terre, pour lui, au début, il entend, il voit le vent qui déchire, il dit, oui, voilà le Dieu d'Israël. Et l'esprit lui dit, non, je ne suis pas là-dedans, moi. C'est pas là-dedans que je suis. Et après, le tremblement de terre qui passe, il dit, ah bon, ok, d'accord, mais là, le tremblement de terre, là, ça, c'est bien le Dieu que je connais, le Dieu puissant qui fait... Non, je ne suis pas là-dedans. Puis après, il y a le feu. Et là, il se dit, oh, pour un Dieu qui a répondu par le feu, c'est sûr, il est dans le feu. C'est sa présence qui s'approche, sa présence comme ça. Non, c'est pas ça, je ne suis pas là-dedans. Et pour Élie, ça a été une révolution dans sa tête et dans son cœur. Ça a été une révolution. Une manière de penser. Et Élie s'est dit, et si la façon de faire de Dieu, ce n'était pas comme ça? Si ce n'était pas quelque chose qui bouleverse, qui écrase tout, qui change tout? Et si ce n'était pas comme ça? Élie a ça a totalement changé sa manière de faire. Souvent, non. Quand on a commencé notre vie chrétienne, l'effusion du Saint-Esprit, on avait envie de ça quand même, hein? Non? se disaient, mais le jour où les réveils qu'on a connus dans les autres pays, est-ce que nous ne connaîtrons pas ce réveil-là chez nous, dans notre église, c'est, hein, les gens qui tombent, qui sont frappés par l'esprit. Un quartier tout entier, gagné pour Jésus. Combien de fois on ne l'a pas dit? Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais en tout cas, moi, je l'ai dit. J'ai entendu. Hein, on va gagner la ville pour... Bon, à ma décharge, je ne croyais pas trop, mais je l'ai dit quand même. Hein, on va gagner la ville pour toute une ville, toute une région, gagnée pour Jésus. Ou des grandes campagnes, on voit des millions qui tombent sous l'action de l'esprit. Et puis là, on se dit, ah, ça y est, le salut est venu sur tel ou tel pays. Tu vois? Ou même dans une assemblée où les gens qui sont indécis, ben, tout d'un coup, il y a un vent et puis tout le monde se décide. Ça y est, on va marcher, ça y est. Pourquoi je dis tout ça? Ben, et ça, c'est ma conclusion, je termine. Parce qu'on connaît tous un temps ou un jour ou un autre une traversée du désert. Tous, nous sommes on est ici à Roi des Rois, on y participe. Soit en y participant par notre présence simplement dans le culte, soit en y participant par nos finances. Soit en y participant de notre personne, en faisant le ménage, on participe tous à la même œuvre. Tout le monde fait sa part. Certains estiment qu'une part est petite, d'autres qu'une part est grande, mais devant le Seigneur, il n'y a pas de petite, pas de grande, chacun fait sa part. Mais à un moment, vient un moment où chacun de nous, et à un moment là, on est tanné, qu'on se dise les choses vraiment. Il n'y a rien de non spirituel à dire qu'on est tanné. Ça arrive. Ça arrive. Il y a un moment là, c'est 40 jours de marche là, de désert, on y passe. Les jours où on passe un mois, deux mois, trois mois sans prier là, on y passe. Disons-nous les choses vraiment, correctement. Sans ouvrir la Bible, on y passe. Ou on n'a même pas envie d'ouvrir la Bible, on y passe. Ou alors on zappe, on tombe sur une chaîne, on voit un prédicateur qui est là, qui dit « Repent !» Et là, on a juste envie juste de prendre une batte. Et de... Non, c'est tous ces moments-là, on y passe. À un moment, on est découragé à cause des autres, à tort, à raison. Élie, sa principale dépression, ce n'était pas à cause d'Isabelle. Isabelle, c'était juste la goutte, juste le... Mais Élie était vraiment découragé des autres. Parce qu'il dit, moi j'ai fait ma part là. Pourquoi les autres ne font pas leur part? Là, moi je vais repartir encore, je vais risquer ma vie. Pourquoi moi je devrais à chaque fois faire ma part et les autres ne font pas leur part? Hey, je vais faire comme les autres, je m'assois, c'est bon, j'en ai marre. Ça, Élie a grossi. Et quand c'est comme ça, parfois il nous arrive, inconsciemment, hein, on va grossir le trait. Parce que petit à petit, on rumine, et ça grossit jusqu'à ce qu'on dise, ok, là c'est bon, là, j'en ai marre. On se dit, je tiens encore un jour. Hein, des fois, allez, je tiens encore un jour. D'autres personnes peuvent se dire, ah, moi, je suis tanné. D'autres... J'ai le goût d'aller voir ailleurs. Ou d'autres, je ne suis plus capable. L'autre, j'attends encore un couple de mois et puis je sac mon camp. Non? Dans ces situations-là, souvent, argumenter avec les autres, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et argumenter avec soi-même, ça ne sert à rien. Parce que nos arguments, là, ils reviennent grossis. Et lui dit, ils ont tué tous les prophètes. Ils ont tué les prophètes de Baal et les prophètes de l'Éternel. Je suis resté seul, mais Abdias... qui était le général de l'armée d'Akab, lui avait bien dit qu'il avait protégé des 100 prophètes de l'Éternel en les cachant dans les grottes. Il y avait encore 100 prophètes. Ok, ils étaient cachés, mais ils y étaient. Il dit, je suis resté seul. Mais et Abdias, il y avait quand même des gens qui le soutenaient malgré tout, bon gré malgré. Et là d'ailleurs, à la fin, Dieu le détrompe en disant, non, je me suis gardé 3000, 7000 personnes. C'est un chiffre symbolique, mais c'est quand même un nombre conséquent. En Israël, il y en a 7000. Toi, tu ne les connais pas, tu ne les vois pas. Si tu avais su qu'il y avait 7000 qui tiennent le coup et qui sont là et qui tiennent à la vraie foi, tu n'aurais pas déprimé comme ça. Donc en fait, je vais m'arrêter là. Mais juste une chose. Quand on est dans cet état d'esprit-là, souvent, ça ne sert à rien d'argumenter. Ça ne sert parfois même à rien du tout d'aller écouter une autre prédication pour nous. Souvent, on dit écoutez notre prédication ou lisez tel ou tel livre. Parfois, ça peut nous aider. Mais dans une seule mesure, dans la mesure où nous avons une révélation. Seule une révélation. Et là, je ne parle pas de... Ce que Élie a vu, c'était pour Élie. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une révélation pour nous. Ce n'est pas la révélation qui a tombé du ciel, un éclair qui va tout embraser. Non, ce n'est pas ça. C'est à un moment donné, on est le soir, tranquillement, on est assis. On est en train de prendre notre soupe, hein, et puis tout d'un coup, la cuillère s'arrête. Et là, on dit... Oh! il y a quelque chose qui n'est pas compris. Et puis tout d'un coup, nos yeux s'ouvrent, paf, et cette chose-là, on la comprend. Mais juste cette petite chose-là change notre vie de tout au tout. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est comme ça qu'il agit. Dans le calme, dans la paix du cœur. Ce ne sera pas dans les grandes révolutions. Ce ne sera pas dans... C'est vraiment ça, dans le calme. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous en sommes là où on est... Bon, je ne vous dirai pas où moi j'en suis. Je ne tiens pas à vous décourager. Non, mais où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est, nous, dans un désert? Si on est dans un désert, c'est quoi maintenant nos plans dans le proche? Retourner, d'où nous venons? Aller en exil ou essayer d'aller en Horeb? Marcher tant bien que mal, mais chercher une révélation de Dieu. Donc je m'arrêterai là.